Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes, syndicats, les marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire, les goûts de la solitude. Après, y'a un... Et après, il y a un refrain.